Si Guillermo Guil. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ça va, les amigos? Ah oui. Content de revoir ma famille, quoi. Mais tellement content de te voir. Quoi, ma famille, ça. Et puis ta barbe a poussé. C'est vrai. Ouais. Du pont de Ligonnès, c'est aussi une famille quelque part. Tu vois, c'est normal qu'il y a des hauts et des bas partout. C'est ma septième saison, putain, la bande originale, quoi. Wow. On est quoi, 4 saisons après ma saison de trop, je pense. Quand j'ai commencé, François Hollande, il était délégué de classe encore. Nagui, il était encore grand comme. Enfin, comme Nagui, quoi. Et en juin, Nagui m'a dit: tu veux faire une chronique par mois? Ok, mais alors on crée une sorte de rendez-vous fixe, comme N'oubliez pas les paroles. Je dis: putain, je dois venir toutes les deux heures avec mon tambour. Il me dit: non, tu viens le dernier lundi du mois, par exemple. Je dis: comme Daniel? Il me dit: mais non, Daniel est là tous les jours. Je dis: c'est pas vrai. C'est vrai que maintenant que j'écoute l'émission à la radio, c'est moins frappant que Daniel. Daniel, c'est pas quelqu'un que t'entends, c'est plus quelqu'un que tu sens, tu vois. À propos, hier matin, je reviens de tournée, sur qui je tombe dans le même train, même wagon. Je vous promets, Daniel Morin, authentique en revenant de tournée. À un moment, le contrôleur: monsieur, on n'ouvre pas les fenêtres d'un TGV. J'étais là, c'est pas pour aérer, c'est pour mourir. Vraiment, tu vois. À un moment, tiens, à propos de mourir. C'est vrai en plus. C'est vrai. C'est vrai. Malheureusement. À propos de mourir, j'ai reçu ma facture annuelle de gaz lundi passé. Oui. Cette chronique, elle est pour toi, mon thermostat. Vraiment, tu vois. J'espère qu'Adèle Van Rett, elle paye une partie au black, hein, comme Laurence Bloch, quoi. C'était un rituel avec Laurence. Je me rappelle, on passait prendre notre enveloppe dans son bureau, tu vois. Parfois, c'était que du cash, parfois, c'était aussi des chèques repas, des bons à la foire fouille, un Opinel. Il y avait un peu de tout, quoi. L'OM a eu son tapis, nous, on a eu Laurence Bloch, tu vois, et ces deux-là s'admiraient tellement. Et c'est vrai que. Incroyable le prix d'énergie. Mon fournisseur de gaz, il m'a appelé personnellement pour m'annoncer la somme. C'est des psys maintenant qui passent ce genre d'appel. La dame, elle avait l'air plus désolée que moi. Elle m'a fait: on va devoir recalculer vos acomptes mensuels, monsieur. Je vais vous demander d'être fort, d'accord? Rappelez-vous que la vie, c'est aussi le sourire d'un enfant. Je dis: ah, vas-y, exagérez pas, je travaille sur France Inter quand même. Elle m'a donné le montant, je fais: je peux venir vous voir au cabinet. Pas impossible que je tousse 40 secondes entre chaque blague, tu vois, pour essayer d'augmenter les droits d'auteur, vraiment. Du coup, je fais attention, quoi. Sobriété. Même quand il fait frisquet le matin, je mets pas de chauffage, j'utilise mon chien. Mon chien, il croit que je l'aime fort. Moi, c'est juste un plaid de plus, quoi, vraiment, tu vois. Quand il se nettoie avec la langue, je lui dis: vas-y, fais profiter la famille. Oh. Vu le prix de l'eau chaude, pas tout le corps, mais juste sous les aisselles, quoi, un peu mouillé la nuque. J'ai dit à Daniel: revenez à la maison, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Tiens, à propos d'économie d'énergie. J'en peux plus. Coupe du monde ou pas Coupe du monde cet hiver? Qu'est-ce qu'on fait en boycott ou pas? Ça. Quel sport relou, le foot. Ça rend trop coupable, quoi, tu vois. Mais mon père, j'ai péché. Bah, rendez la drogue, elle est là, tu vois. Mais non, pas du tout, c'est juste que j'étais voir le PSG. Non, t'es jamais en paix avec ta conscience dans le foot. Tes clubs préférés sont toujours rachetés par des gens horribles, des oligarques, des pétromonarchies. Jamais t'entends, l'OM a trouvé un repreneur, Emmaüs. Les joueurs vont être payés en potage. On va faire un gros effort pour Dimitri Payet, il aura des croutons. Tu vois, ça n'existe plus. Du foot éthique, comme les Corinthians dans les années 80. Aujourd'hui, il n'y a que l'argent qui compte, que le fric, quoi, c'est vrai. Grand auteur. Allez. Je suis tiraillé pour la Coupe du Monde. À minima, je vais faire un boycott partiel. C'est vrai, quoi. Japon, Costa Rica, Pologne, Arabie Saoudite, Iran, Pays de Galles. C'est décidé, je regarde pas. Voilà. Parce que voilà, à un moment, il faut pouvoir dire au Qatar: ça suffit, les gars. Il faut arrêter les conneries maintenant. Les autres matchs, bon, je me tâte, quoi. En vrai. Vous savez pourquoi je vais boycotter? Parce qu'on sera en novembre. Et en novembre, de toute façon, la ville se boycotte d'elle-même, quoi. À 14h, le soleil fait: allez, bonne nuit, hein. Vous pouvez tous rentrer, vous rouler en boule. Vrai. En novembre, mon chien sera là: hé, ça c'est ma niche, hein. Vraiment, tu vois. Moi, je serai dedans à manger une noix en écoutant Lana Del Rey, tu vois. C'est la DEP novembre. Une Coupe du Monde en automne, putain. Parce qu'en soi, le fait que les stades soient climatisés dans le désert, bon, voilà, moi je comprends que ça inquiète. Moi aussi, la clim, ça me fait des rhinites. Bon, le vaporub avec l'inflation, ça a pris un. Mais je comptais pas y aller de façon au stade. Mais c'est vrai que si je regarde, c'est chez moi, tu vois, avec mon chien dans mon slip et deux rats musqués pour faire les mules. Vraiment, si je regarde, j'irais tellement indéfendable cette Coupe du Monde à tout niveau, c'est absurde. Je vous dis, c'est vraiment que le pognon qui. Excuse-moi. C'est surréaliste. Mais bon, d'après moi. Tant qu'il n'y a pas une nation majeure qui prendra ses responsabilités, il n'y a rien qui bougera, quoi. C'est vrai. Moi, si t'as pas un leader mondial qui envoie un signal fort en boycottant la Coupe du Monde, perso, moi, je pensais à la France. Je dis, ce serait un geste historique. Pour moi, la France a toujours été la boussole morale du monde. Ça t'arrangerait. Vous avez inventé les droits de l'homme. La France est Robespierre. La France est petit bateau. Boycottez. Nous, on est obligés d'aller, on a réservé l'hôtel. Mais vous, de toute façon, on va se dire la vérité. Si vous allez au Qatar, il va y avoir un embrouille, non? C'est sûr, franchement, Griezmann. Il va y avoir un France-Belgique, surtout. Griezmann, il va faire une sextape avec un marabout. Benzema, il va vouloir aller à la douche en jet privé. Mbappé, il va décider que Giroud doit jouer en pantacourt. La fédération fera bien sûr Kylian, pardon, Kylian, excuse-nous de ne pas avoir pensé plus tôt. Ça va être bagarre à côté Nice Nasr et les accords d'Oslo, quoi, vraiment, tu vois. Restez. Éthiquement, ça vous grandirait tellement de rester en France. Si des nations comme la France, le Brésil, l'Argentine, c'est l'Espagne ça. Ou l'Allemagne ne montrent pas l'exemple, oui. On gagnera jamais, putain. C'est notre seule chance. C'est notre seule chance. Cette année, on a une de ces défenses. Putain, il y a des joueurs, ils ont quasi mon âge, tu vois. Et mon âge, c'est jeune quand t'es au Conseil constitutionnel, tu vois. Mais quand t'es dans une défense à 3, c'est déconné, quoi, tu vois. C'est fini le statut de favori pour la Belgique. Les 4 derniers grands tournois, on est arrivé en grand. Oh, on est numéro 1 mondiaux. Et les gens, ils faisaient, pourquoi vous avez joué en finale de quoi que ce soit? Nous, on faisait, c'est vrai, parce qu'on attendait 2022, les gars. Cette année, c'est pour nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on part avec un vrai avantage au Qatar. On a l'habitude de jouer dans le froid. Allez, bonne émission. Merci. Guillermo. Guillermo. Une tournée, des spectacles. Je suis en tournée dans toute la France. Mais je prends ce ton-là. J'aurais pu la faire, cette promo. Bah, oui, non, je crois que ma prochaine date, c'est Angers. Voilà, le 12 octobre.